toujours un temps d'avance avec AXA, premier assureur des entreprises. Bon Théo, petit brief sur les alarmes. Ok. Ici, alarme intrusion, là, incendie, et là, alarme OVNI. Hein? OVNI? Non, je rigole. Professionnels et chefs d'entreprise, avec les nouvelles offres Atout Pro PME d'AXA, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction si vous mettez en place des mesures de prévention dans vos locaux. Récompenser les comportements responsables, c'est aussi ça vous accompagner. AXA. Baromètre chef d'entreprise Kantar 2020, informations et conditions en agence sur go.axa/multirisque. Il y a presque 20 ans, le 11 septembre 2001, un événement sans précédent secouait le monde entier. 4 attentats perpétrés aux États-Unis tuaient 2977 personnes. 14 ans plus tard, en France, avaient lieu les attentats du 13 novembre, tuant 130 personnes. Pour une génération comme la mienne, née au milieu des années 80, le terrorisme est devenu un phénomène tragiquement familier. Et il en est de même pour les générations d'avant. Pourtant, du terrorisme, dont le mot hante les esprits et les discussions, on peine à dire de quoi il s'agit. Ou plutôt, on sait très bien de quoi il s'agit sans vraiment réussir à le dire. Pourquoi ? Face au choc du terrorisme, faut-il s'en tenir à l'inédit ou tenter de le saisir ? On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York. Nous sommes en ligne avec Laurent Simon. Ça vient de tomber, on n'en sait pas beaucoup plus et les témoins sur place sont excessivement peu nombreux. On sait que c'était effectivement une des tours du World Trade Center qui est touchée. On ne sait même pas s'il y a des blessés, il y a de la fumée qui s'échappe des étages supérieurs de la tour. Il y aura sûrement des blessés puisqu'à 7h de la journée, les gens sont au travail depuis au moins une heure. Ce qui est étrange, c'est que c'est pas normalement un couloir aérien, c'est pas là que passent les avions. Le problème qui va se poser maintenant, c'est l'accès des secours à cette partie de New York et à cette heure de la journée où ce qu'on appelle le rush hour, c'est-à-dire les embouteillages, battent leur plein. Oh my God, so both towers are now... Bonjour Cyril Brett. Bonjour. Vous êtes agrégé et docteur en philosophie. Vous enseignez la philosophie politique à Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur de « Qu'est-ce que le terrorisme ?» aux éditions Vrin, paru en 2018. Et « 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au XXIe siècle », c'est paru aux éditions Armand Collin en 2020. Une question toute simple pour ouvrir cette semaine, enfin simple et pas du tout simple. En quoi est-il nécessaire de définir le terrorisme alors que l'urgence semble plutôt quand même à lutter contre le terrorisme ? Alors définir le terrorisme, c'est à la fois un impératif philosophique et un besoin politique, parce que le terrorisme, c'est une notion très impure. Depuis son origine au XVIIIe siècle, c'est une invective politique. Le terroriste, c'est l'autre violent, et celui qu'on refuse d'affronter comme un rival ou comme un adversaire politique. Et puis, il est indispensable d'avoir une approche philosophique, donc de définir, qui est vraiment le geste philosophique platonicien et aristotélicien fondateur de la philosophie, tout simplement parce que dans le fracas des attentats, dans la passion des débats politiciens, parfois même idéologiques, et dans la terreur individuelle et collective que chacun ressent, bien sûr 11 septembre, bien sûr 13 novembre, mais partout ailleurs, à Berlin, à Mumbai, à Madrid, en Afghanistan. En Norvège, en Afghanistan, à Bagdad. Chacun est étourdi, c'est d'ailleurs fait pour ça un attentat terroriste, c'est pour paralyser la raison, pour paralyser la raison individuelle et pour paralyser la rationalité collective. En fait, pour détruire la politique, tout simplement. Et détruire aussi la pensée, la raison, une manière de vivre ensemble de manière rationnelle. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a eu aucune définition du terrorisme jusque-là ? En fait, comment fonctionne d'ailleurs la politique mondiale ? Il y a quand même une certaine définition, un certain accord de principe pour définir le terrorisme, ce qui en est, ce qui en est pas, et comment lutter contre ? Oui, si vous consultez le Code pénal français, les résolutions des Nations Unies ou d'autres textes plus régionaux, vous disposez apparemment d'une définition. Alors, le problème de cette définition, c'est qu'elle est très souvent circulaire. Qu'est-ce que vous entendez par circulaire ? C'est-à-dire que le terrorisme, c'est ce qui suscite la terreur, et la terreur, c'est ce que visent les terroristes. Et nous voilà bien avancés, et d'un point de vue juridique, et d'un point de vue philosophique, voire d'un point de vue psychologique et personnel, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Un attentat terroriste. Qu'est-ce que c'est qu'un attentat terroriste ? Quelque chose qui suscite la terreur en utilisant une violence maximale, en faisant des tués, des blessés, des mutilés, et la pensée s'arrête. dans la sidération de l'attentat, ou au contraire dans le ressassement du deuil et de la douleur. Et c'est à ce moment-là que d'autres discours doivent prendre le relais, le discours judiciaire. Le procès des attentats du 13 novembre commence aujourd'hui, enfin cette semaine, pardon. Mercredi, la parole psychologique, évidemment, la parole sociologique, et puis la parole philosophique, qui, elle, fait un pas de côté et se demande, mais non seulement que nous est-il arrivé, ça c'est l'analyse policière de l'attentat, mais qu'est-ce qui se passe dans notre société politique, qu'est-ce qui se passe dans notre contrat social pour que ce type de violence nous saisisse tous, individuellement et collectivement, détruise, atomise un certain nombre de liens, instille une défiance généralisée envers telle ou telle communauté, là en l'occurrence les musulmans pour les attentats du 11 septembre, mais d'autres communautés également, et puis instille la défiance à l'égard des pouvoirs publics chargés de lutter contre le terrorisme. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire ce pas de côté, c'est à ce moment-là que la pensée philosophique qui se demande mais qu'est-ce que c'est finalement que le terrorisme doit entrer en jeu pour le service de tous. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on se penche sur la question qu'est-ce que le terrorisme, on pose une question vraiment de philosophie classique, hein, les questions en qu'est-ce que, c'est vraiment typiquement philosophique, c'est une question d'ontologie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se situe ni dans le niveau psychologique affectif, ni seulement à un niveau géopolitique, politique, mais vraiment à un niveau philosophique, mais même pas seulement ontologique, mais de théorie politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer à vivre ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer à avoir confiance, qu'est-ce qui fonde nos communautés, nos territoires, nos pays. C'est ça en fait vraiment l'enjeu. C'est-à-dire, c'est pas juste se demander dans un salon qu'est-ce que le terrorisme de manière un petit peu érudite et à côté des choses, c'est-à-dire que ce pas de côté, il n'est pas complètement à côté, mais c'est aussi vraiment se dire, en fait là ce qui est en jeu, c'est aussi des représentations collectives du vivre ensemble. Oui, et la raison en est assez simple, et elle tient à la deuxième difficulté de définir le terrorisme, qui est la porosité du concept, c'est-à-dire donc problème circularité, problème porosité. En fait, très simplement, qu'est-ce qui est terroriste et qu'est-ce qui n'est pas terroriste? Qu'est-ce qui est attentat terroriste et qu'est-ce qui n'est pas terroriste? Le résistant, en France, en Algérie, qui lutte contre l'occupation étrangère et qui pose une bombe dans un bar. Est-ce que c'est un terroriste? Est-ce un résistant? L'État qui utilise la subversion, qui organise des attentats, et ça a été le cas de l'Iran en France, par exemple, quand moi j'étais adolescent, est-ce que c'est du terrorisme ou est-ce que c'est pas du terrorisme? L'assassinat de Sadi Carnot, notre président de la République, en 1894, Troisième République, par Caserio, un anarchiste. Est-ce que c'est du terrorisme ou est-ce que c'est du pas du terrorisme? Les narcotrafiquants au Mexique, qui mettent en coupe réglée par des assassinats d'une ampleur et d'une horreur terrible des régions entières, est-ce que c'est du terrorisme? Ce qui fait qu'on ne sait plus vraiment si le résistant, le mafieux, le narcotrafiquant, l'agent secret, l'agent de subversion sont des terroristes ou ne sont pas des terroristes. Et c'est dans ce flou, en fait, que l'invective politique se glisse et qu'on arrive à des situations où, comme la République populaire de Chine ou la Russie depuis des années, le terroriste, c'est celui qui exerce une violence contre moi, c'est tout. Et donc ça devient une définition parfaitement fictive, c'est l'autre nom de son ennemi, c'est tout. Mais finalement, on pourrait très bien se dire que le terrorisme est devenu le nouvel ennemi. Tout à fait, tout à fait. On pourrait s'en tenir à ça et se dire que c'est un ennemi à combattre. En quoi ça posera un problème? Eh bien, comment est-ce que je distingue Jean Moulin d'Oussama Ben Laden dans ce cas-là? Puisque Jean Moulin commandite des assassinats, des sabotages, des actes de résistance. Il a, et à juste titre, le statut d'un résistant d'exception. Et qu'Oussama Ben Laden, lui, utilise ce même type de tactique terroriste et pourtant est terroriste. Alors pourquoi? Est-ce que ça dépend simplement de notre point de vue? Et là, on tombe sur un paradoxe philosophique extrêmement bien connu mais redoutable, qui est le relativisme. Est-ce qu'on peut avoir une approche non relativiste? Donc ça, c'est le troisième défi, troisième limite, c'est le exactement. Relativisme. Parce qu'après tout, si j'en fais un usage strictement politique et politicien, le terrorisme, c'est celui que je veux tout simplement supplanter politiquement, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a quand même une différence entre Jean Moulin et Ben Laden, d'un point de vue, c'est-à-dire que là, vous avez juste mis en parallèle les techniques, les tactiques, les moyens, les moyens utilisés, mais pas du tout les fins. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'à idéologique, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'à mon avis, une approche par les tactiques, par le modus operandi, est très utile pour des enquêteurs ou des magistrats, mais d'une utilité très limitée pour des philosophes ou des penseurs de sciences humaines. Ce qu'il faut bien voir, ce qui définit, ce qui est la marque caractéristique du terrorisme, c'est une stratégie triangulaire. C'est pas un affrontement binaire où j'essaye d'annihiler ou de vaincre mon ennemi, mais c'est une stratégie d'organisation de la terreur, d'un sentiment de vulnérabilité généralisée pour paralyser le fonctionnement politique et social d'une ville, Paris en novembre 2015, d'un pays, d'une région, l'Europe durant la vague Daesh 2015-2018, ou même du monde, et c'était l'ambition d'Al-Qaïda en 2001. Et toutes les techniques, tous les acteurs, toutes les circonstances, tout le contexte ne servent qu'à contribuer à instiller cette vulnérabilité généralisée. Je peux être frappé n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui, dans l'espace public. Aucun espace n'est sacré. Personne n'est sacré, ni les enfants, ni même les musulmans quand je suis un islamiste, ni même un partisan de la suprématie blanche. Si je suis un terroriste suprémaciste blanc, tout est possible, et c'est ça la différence entre le terrorisme et les différentes tactiques politiques violentes qui sont utilisées par le résistant, le partisan. Entre l'ennemi, etc. N'importe quel qu'il soit. Exactement. Et la terreur, c'est bien ce sentiment-là, par différence avec la peur. Et je pense que c'est du point de vue des passions politiques, ce que font les grands noms de la philosophie que vous examinez ici, Spinoza, Descartes, c'est du point de vue de la passion politique qu'il faut analyser, parce que c'est l'effet recherché par le terrorisme, c'est l'effet différentiel recherché par le terrorisme. Alors, juste, je vous interromps, Cyril Brett, pour que vous reveniez juste sur cette idée que vous avez énoncée sur un dispositif triangulaire. Alors, c'est-à-dire que avant. Je veux dire, hors cas du terrorisme, un affrontement a lieu entre une personne et un ennemi. C'est ça. Voilà. Alors que dans le cas du terrorisme, il y a un dispositif triangulaire, ça veut dire qu'il y a une tierce identité, entité qui s'instaure et qui est, qui sont les victimes, c'est ça? Oui. Et l'audience, en fait. Prenons un exemple, extrêmement concret. Ce qui se passe au Moyen-Orient, en 2015, et ce qui se passe dans les rues de Paris en 2015. Ce qui se passe au Moyen-Orient en 2015, entre la frontière syrienne et la frontière irakienne, c'est des forces armées régulières qui affrontent des forces armées irrégulières, mais qui tentent de s'ériger en État, l'organisation dite État islamique, et le but sur le champ de bataille est de remporter la supériorité par les armes pour la domination d'un territoire, d'une population et de ressources, qui sont extrêmement importants. La relation est binaire, c'est d'ennemi à ennemi, c'est une guerre, c'est un champ de bataille. Qu'est-ce qui se passe au Bataclan ou dans le quartier de la République? C'est évidemment pas un champ de bataille. Les victimes ne sont pas armées, n'ont pas d'uniforme. Et le but ultime des 130 morts n'est pas de les tuer eux, ou elles, ces victimes, mais de paralyser l'intégralité de la communauté nationale. Le tiers, c'est la communauté nationale, c'est ceux qui sont les spectateurs, au sens fort, de cet acte de violence. C'est une violence qui n'a pas de finalité en elle-même dans le rapport de force politique sur le terrain, à la différence du rapport de force militaire ou de la guerre civile, mais qui a pour but de paralyser par la terreur, d'où la nécessité de bien distinguer terreur et peur, toute une communauté nationale, et on l'a vu en 2015, toute l'Europe, finalement. La Convention vous ordonne de vous retirer. Nous nous retirons comme vous nous aurez remis les 22 traîtres qui sont protégés par cette Convention. Nous voulons des traîtres. Nous voulons des traîtres. Silence. La Commune de Paris a dénoncé 22 traîtres qui siègent parmi nous. Je demande leur arrestation immédiate. Donnez un verre de sang à Couthon, il a soif. Je demande que cette liste puisse être lue sur le champ. Et je demande l'arrestation de tous ceux que l'on va nommer. Barbaro. Il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République ou périr avec elle. Or, dans cette situation, la première maxime de votre politique doit être que l'on conduit le peuple par la raison et les ennemis du peuple par la terreur. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Elle est donc une émanation de la vertu. Elle est moins un principe particulier qu'une conséquence du principe de la démocratie appliqué aux plus pressants besoins de la patrie. On a dit que la terreur était le ressort du gouvernement despotique. Le vôtre ressemble-t-il donc au despotisme? Oui, comme le glaive qui brille dans les mains des héros de la liberté ressemble à celui dont les satellites de la tyrannie sont armés. Que le despote gouverne par la terreur ses sujets abrutis, il a raison comme despote. Domptez par la terreur les ennemis de la liberté, et vous aurez raison comme fondateur de la République. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est notre première émission sur le terrorisme. Qu'est-ce que le terrorisme? On vient d'entendre, pour remonter peut-être aux sources du terrorisme, Cyril Brett, vous êtes notre invité, un texte lu par François Raison, un discours plutôt, le discours du 17 Pluviose en deux. En fait, c'est le 5 février 1794, donc c'est un discours de Robespierre. Vraiment, c'est le discours où on l'entend théoriser ce que va être la terreur. Et effectivement, dans terrorisme, il y a terreur. Est-ce que c'est ça la naissance du terrorisme, c'est la terreur de Robespierre? Oui, c'est Robespierre qui se prend pour Montesquieu. Les lecteurs de l'Esprit des lois l'auront reconnu. Le ressort du régime républicain, c'est la vertu, mais en période de crise, 1793-1794, un deuxième ressort s'invite, et là, il n'est pas philosophique. C'est la terreur. C'est la terreur. Et c'est pas très Montesquieu non plus. Ah, c'est anti-Montesquieu. Complètement. Et donc, c'est une subversion et de Montesquieu par Robespierre, et de l'esprit des lois par la montagne et le comité de salut public pour répondre à un contexte précis, mais qui nous donne une matrice absolument extraordinaire pour reprendre notre discussion sur la triangularité des tactiques politiques. On le voit bien, ce qui définit le terrorisme, ça n'est donc pas l'auteur, hein, ça peut être un réseau, ça peut être une personne isolée, ça peut être un État armé de toute son administration, y compris des tribunaux révolutionnaires. Donc ça n'est pas par l'auteur des attentats qu'on peut le savoir, c'est bien par la technique. Et là, on le voit bien dans ce texte absolument terrible clarté. Hein. Il est terrible. Le but, c'est de décourager par avance toute résistance idéologique à la République. Là encore, les victimes de la guillotine et du tribunal révolutionnaire, qui sont 1500 dans cette courte période, heureusement 1793-1794, ne sont pas les victimes premières. Les victimes, en général, ce sont tous les ennemis de la République. Tous les ennemis du régime que... Et qu'est-ce qu'on entend par ennemi à ce moment-là? C'est-à-dire que, est-ce que c'est la personne qui, par exemple, pourrait, dans un cadre privé, avoir formulé une critique anodine à l'égard de la République? Tout à fait, et c'est là où la notion même d'ennemi est subvertie, bien sûr, il ne s'agit pas d'actes, mais d'opinions. Et même d'être à l'intérieur des esprits. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte C'est là où Arendt a raison, et que ce discours a une portée historique extraordinairement importante pour les totalitarismes du XXe siècle, et j'espère pas du XXIe siècle, mais on verra. Il s'agit, par la terreur, de paralyser toute opinion dissidente, toute volonté même de penser un peu à la marge de la doctrine qui est imposée par le régime. Et on le voit bien. Donc, on retrouve les deux caractéristiques qu'on a mis en évidence. La triangularité, l'audience, c'est l'Europe entière qui veut exterminer, selon Robespierre, la République. Et le but, c'est la paralysie même de la pensée politique, mais de celle du citoyen, pas celle de Hobbes, de Locke ou de Rousseau, pour éviter toute dissidence. Et on trouve là, dans De la Révolution, Hannah Arendt le souligne, on trouve là une matrice du terrorisme qui est absolument inattendue, puisque d'une part, c'est en 1794, c'est-à-dire c'est la chose avant le mot, c'est en 1798 que le mot apparaît en français et en anglais, et c'est parfaitement inouï parce que c'est un État qui s'engage le premier dans une théorie et dans une pratique du terrorisme. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, Cyril Brett. C'est vraiment le grand paradoxe, là, comme de cette naissance du terrorisme avec la terreur de Robespierre. C'est que la terreur, et le principe du terrorisme qui fonctionne sur la terreur mais ne s'y réduit pas, c'est quand même de tout paralyser. C'est d'être anti-politique. C'est-à-dire que la politique est une construction vivante, active, rationnelle, débattue de plusieurs, d'un certain nombre d'individus entre eux. Là, la terreur est anti-politique puisqu'elle divise, elle annihile, elle paralyse. Alors en quoi est-il... Comment a pu naître le terrorisme à la faveur, en fait, d'une construction politique? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas seulement un moyen de dire « je vais régner contre vous tous » et sur vous tous, c'est aussi un moyen de dire « je ne vais régner sur personne ». Il n'y a personne sur qui on règne, on ne construit rien, en fait, avec de la paralysie. Et là, vous posez quelque chose de, vous posez une question qui est redoutable, qui est la nouveauté du terrorisme de la République de 1793 par rapport aux tyrannies ordinaires. Parce que, évidemment, on n'a pas attendu la République robespierriste pour avoir des tyrans qui veulent intimider tous leurs sujets. Le cran qui est passé ici, c'est la gigantomachie du vice et de la vertu. Robespierre et tous ceux qui s'inscrivent ensuite dans sa lignée, ils sont extrêmement nombreux et ils peuvent même s'appeler Lénine, vise en fait à placer le débat politique sur l'échelle morale, le vice contre la vertu, et même sur l'échelle métaphysique, le bien contre le mal. Et c'est exactement ce qui fait basculer le projet de domination, malheureusement tellement banal par l'intimidation, oui, finalement, dans un autre modèle politique en fait. Et comme vous le dites, c'est de nier l'altérité, de nier ce qui fait la politique, parce que la politique, ça n'est rien d'autre que d'arriver à composer avec des opinions, des croyances, des intérêts, des textures sociologiques, des classes sociales qui sont différentes les unes des autres, et d'arriver à les faire coexister pacifiquement et de résoudre pacifiquement par le discours, par le droit, par l'administration, ces différences qui sont parfois des différents. Là, on est face à un véritable monisme politique, il n'y a pas de pluralité possible, et donc, d'un point de vue philosophique et moral, il n'y a plus d'altérité possible. Si vous voulez, c'est la fin de Lévinas, si vous voulez. Il n'y a plus qu'une seule personne dans le régime dont rêve Robespierre, c'est la République, qui est identique à la vertu. Mais je vais aller encore plus loin, enfin, ou je ne vais pas aller plus loin, mais je vais reformuler mon idée encore, Cyril Watt, c'est que comment se servir de la terreur comme instrument politique pour générer un nouvel état politique alors que cet instrument annihile ce corps politique? Que produit le terrorisme s'il détruit? Et bien, il ne produit plus que lui-même. Il ne produit plus qu'une seule passion, la terreur, un seul ordre, celui qui est subordonné à ce projet de créer en fait un nouvel homme. En l'occurrence, le citoyen robespierriste, sous d'autres cieux et à d'autres époques, le citoyen allemand nazi ou le citoyen le soviétique. Et donc, on est dans une version de la politique qui est à la limite, c'est une version démiurgique, où ça n'est pas les citoyens qui crée l'État, mais c'est l'État qui a la charge de créer un nouveau citoyen et même un nouvel homme. Et on voit bien l'ambition délirante de ce terrorisme d'État. Et ne croyons pas qu'il est limité à cette maudite année 1793-1794. C'est un projet ontologique, métaphysique, qui est commun à énormément de terrorisme. Le terrorisme d'État communiste et soviétique et le terrorisme islamiste contemporain. Et c'est là aussi où on voit la différence entre la peur, dont vous parliez, Cyril Brett, et la terreur. C'est-à-dire que la terreur ne produit que l'État dont il peut être, dont il est l'instrument. Oui, mais la peur, par contre, par exemple, chez Hobbes, la peur est une passion complètement active. Elle est instrumentalisée pour pouvoir construire un lieu social et finalement apaiser. En fait, la peur est utile à la paix, alors que la terreur est créatrice d'inconfort et de guerre. Oui, je peux pas vraiment ajouter quoi que ce soit à ce que vous dites, si ce n'est un exemple. Moi, Cyril Brett, le 14 novembre 2015, quand je traverse la rue au rouge, pour moi, j'ai peur d'être écrasé. C'est ce qui régule mon comportement, parce que des représentations et un raisonnement peuvent se mettre en œuvre. Je raisonne, je traverse au rouge, je peux me faire écraser ou je peux recevoir une contravention. Le lendemain des attentats du 13 novembre, traverser la rue en redoutant un attentat politique, un attentat terroriste, là ça suscite la terreur en moi. Est-ce que je peux encore me rendre au marché? Est-ce que je peux encore me rendre à la salle de spectacle? Je ne sais pas d'où vient la menace, je ne sais pas pourquoi ce serait moi qui serais visé plutôt qu'un autre ou plutôt qu'une autre. Et donc tous les actes de ma vie quotidienne sont placés sous la menace surplombante et diffuse, non identifiable. La grande différence entre la peur et la terreur, c'est que la peur met en œuvre nos représentations rationnelles et émotives, peuvent être instrumentalisées pour faire un contrat social, alors que la terreur, elle, paralyse nos représentations puisqu'on est face à l'irreprésentable. On est passage Saint-Pierre-Amelot. On est devant la sortie du Bataclan. Avec mon mari, nous étions devant le bar. Et quand le premier terroriste est rentré, nous sommes mis au sol et nous avons fait les morts, forcément, et pendant un quart d'heure. Et le tireur étant à un moment particulièrement près de nous, finit vraiment par accepter l'idée que voilà, on sortira pas, on rentrera pas à la maison. Et au fur et à mesure des jours qui passent, on se rend compte que là, tout est remis en question. Quand on sort dehors, on se met à regarder partout, on réalise que là, ça s'est produit au Bataclan, mais ça peut se produire n'importe où, n'importe quand. On se découvre des paniques incompréhensibles, le métro, les espaces où il y a du monde. Parce que voilà, on sait à quoi ça ressemble en plus que personne, des événements comme ça. Et on a une peur que ça se reproduise, incroyable. Et on sait que tout peut basculer tellement vite. La révolte, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses. Et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ses passions la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer en effet de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre la voix de Maureen Roussel, c'est une victime des attentats du 13 novembre 2015. C'était dans le magazine de la rédaction sur France Culture, diffusé le 13 mai 2016. Et puis juste après, je ne sais pas si vous avez reconnu sa voix, Cyril Brett. Oui, c'est ça, c'était la voix d'Albert Camus, c'était le 19 septembre 1955. On entend Camus dire... énoncer cette idée qu'il faut dépasser le nihilisme de la révolte, ne pas s'en tenir à cette révolte. Et c'est un petit peu l'impasse dans laquelle nous conduit le terrorisme. On l'a entendu aussi dans la voix de cette victime des attentats. C'est que finalement, tout est remis en question du point de vue des victimes des attentats, mais aussi du point de vue peut-être des terroristes. On en revient à cette question de qu'est-ce que le terrorisme si effectivement il ne produit rien et si il paralyse tout le monde. Oui, tout à fait. Le témoignage de la victime est absolument poignant, y compris d'un point de vue philosophique, qui nous éclaire immédiatement sur les questions qu'on décide de considérer comme non rationnelles. Et c'est une conscience, un sursaut de conscience qui est absolument admirable. Quant au texte de Camus et à cette voix absolument inouïe qui se fait entendre dans un contexte politique, social, international complètement différent, nous devons absolument l'écouter. Le véritable sujet de l'homme révolté, le véritable sujet des justes, c'est bien la question que vous posez. C'est-à-dire quel est l'état final recherché par les terroristes. Quel est l'objectif du terroriste? Si on dit comme Robespierre, ou comme les héros des justes, c'est la justice sur terre. C'est donc une croisade, finalement, une gigantomachie, encore une fois, contre le mal, du bien contre le mal, de la justice contre l'injustice. Est-ce qu'on est véritablement dans une dimension politique? Est-ce qu'on construit un texte de loi, un budget, un compromis? Est-ce qu'on a les moyens de transformer véritablement le corps social, la patience du militantisme, la patience de la pétition, du meeting, de l'association, des différents projets qui transforment réellement la vie des gens? Et la réponse de Camus, je la trouve absolument admirable de visionnaire, c'est non, on est dans la pensée complètement magique. On essaye de faire advenir par la mort d'un, deux, parfois malheureusement 3000 personnes, un nouveau règne. Alors on l'appelle le nouveau califat, on l'appelle la société sans classe, on l'appelle la société parfaite, et on croit magiquement que cette technique triangulaire de paralysie du corps social peut réellement transformer la réalité, vous dispensez du programme politique, des alliances, vous dispensez également de convaincre, puisque l'attentat, c'est le contraire de la conviction, en fait, c'est le contraire du discours, c'est un discours qui est simplement du ressassement. Je suis violent parce que j'ai raison, donc j'ai le droit d'être violent, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut appeler ça du nihilisme. C'est bien nihil, rien qui résulte du terrorisme. Ça transforme, évidemment, et ça bouleverse la vie des victimes et de leur famille. C'est-à-dire que malgré tout, il y a une transformation. Il y a une transformation. Mais on l'a vu à Londres, on l'a vu à Madrid, on l'a vu malheureusement aux États-Unis. Il y a une transformation de la législation sur les libertés fondamentales. On l'a vu en France aussi, avec beaucoup de préoccupations sur notre état de droit. On a vu une crispation, on a vu une polarisation extrêmement forte des sociétés, comme c'était le cas d'ailleurs dans la société de Camus, entre les partisans de l'Algérie française et ceux qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Mais l'effet politique est négatif, au sens où il ne construit pas, en fait, un nouvel ordre. Et dans le terrorisme contemporain le plus dément, qui avait immédiatement, comme le 11 septembre, un auditoire mondial, grâce aux chaînes de télévision, dans ceux qui essayent de faire servir ces attentats à l'établissement d'un règne universel de telle ou telle foi, de telle ou telle conviction, de tel pays. On voit bien la vanité, on voit bien le nihil, le rien, auquel on est confronté. Le terroriste, c'est vraiment le contraire du militant politique, en fait. Est-ce que c'est une bonne manière de définir le terrorisme, finalement, de se dire, pour éviter tous les écueils qu'on a soulevés, à savoir sa porosité, sa circularité, son relativisme, mais aussi sa polysémie, parce que le phénomène est divers, historique, incarné par des acteurs différents. Est-ce qu'une bonne manière de définir le terrorisme, c'est contrairement à plein d'autres instruments politiques ou phénomènes politiques, il se caractérise par le rien. Ou alors, à l'inverse, autre proposition qui me vient comme ça à l'esprit, est-ce qu'il faut justement dire qu'en fait, ça se caractérise par le fait que ça change tout de manière un petit peu diffuse? C'est-à-dire que, par exemple, Maureen Roussel, la voix de cette victime, est une victime qui n'était pas ciblée en tant que telle, mais est devenue une victime. Est-ce qu'en fait, ça change rien, à savoir, ça ne construit rien, ça paralyse tout, ou est-ce qu'au fond, ça change tout, parce qu'en fait, ça change tout dans notre rapport aux autres, un rapport de méfiance, de vulnérabilité. On est tous potentiellement des victimes. Mmh. Oui, c'est cette alternative entre le tout et le rien montre bien le paradoxe du phénomène politique terroriste. En revanche, si on est vraiment sur la question de la définition, je pense que le tout et le rien peuvent nous reconduire dans le relativisme, à chacun ensuite de décider de ce qui a changé et de ce qui n'a rien changé. Je pense que il faut avoir la patience du concept et vraiment regarder ce qui, par-delà la diversité des terrorismes, des attentats, fait ce socle commun. Et vraiment, l'effet de terreur comme passion politique et la triangularité de cette technique politique permet d'avoir une définition très éclairante et assez précise sur ce qui se passe. C'est d'ailleurs plusieurs de ces éléments ont été bien énoncés par Walzer dans Guerre juste et dans guerre injuste. Hein. Eh bien, on va l'écouter, Cyril Watt. Je vous propose d'écouter Michael Walzer, le philosophe Michael Walzer. Je pense que la distinction entre combattants et non-combattants, entre soldats et civils, est d'une certaine manière artificielle, conventionnelle, mais elle a des raisons. En plus, des raisons principales, fondamentales, c'est la meilleure manière de limiter le côté destructeur de la guerre. Mais il y a une autre raison pour cette distinction entre les soldats et les civils. Les soldats sont armés, entraînés, ils se protègent les uns les autres, les civils ne sont pas armés, ne sont pas formés, infiniment vulnérables. Ils ne sont pas engagés dans la guerre, alors que les soldats sont complètement engagés dans les affaires de la guerre, dans la conduite de la guerre. Il y a donc une distinction morale, même s'il y a beaucoup de zones grises, de zones d'ombre, Dans la planification de la stratégie, des tactiques d'une campagne militaire, il faut prendre en compte les risques que vous imposez aux populations civiles. Ce que nous demandons, nous exigeons de nos soldats et de nos chefs planifiant les campagnes, c'est que l'intention ne soit pas de tuer des civils. Pas simplement de ne pas avoir l'intention de les tuer, mais d'avoir l'intention de ne pas les tuer. C'est une voix très forte qu'on vient d'entendre, Cyril Brett. C'était la voix donc du philosophe Michael Walzer. C'était à ce même micro. C'était à l'époque Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'était en 2011. On entend bien la distinction qu'il fait, une distinction non pas artificielle, mais vraiment, et pas seulement d'ailleurs militaire, politique, mais il le dit morale. C'est la distinction qu'il faut faire entre les civils et les soldats. C'est aussi, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur la question, en fait, des victimes. C'est-à-dire que la différence est peut-être une des manières de définir le terrorisme, c'est quand même d'en passer, de passer non pas par ces phénomènes, ces manifestations, par ces acteurs, mais vraiment par les victimes qu'ils touchent. Oui, par le statut des victimes. Et le statut des victimes, cette distinction entre combattants et non-combattants, pas entre civils et militaires, hein, mais entre combattants et non-combattants, est la dichotomie absolument fondamentale de cet essai remarquable de Michael Walzer, « Guerre juste et injuste », qu'il a commencé à écrire au moment de la guerre du Vietnam, qu'il a complété au moment de la guerre d'Irak, pardonnez du peu. Et un des chapitres absolument remarquables de cet essai est précisément consacré au terrorisme. Parce que la différence de statut des victimes entre le champ de bataille dont on a parlé et l'attentat, c'est justement la nature de la victime. Si vous réfléchissez d'un point de vue tactique, qu'est-ce qui instille le plus de terreur ? De tuer un soldat en uniforme et en armes ? Pas du tout. C'est simplement ses camarades d'armes qui auront peur et qui prendront mais des... Mais qui se sont finalement engagés voilà, exactement. À des risques pris. Qui ont le statut juridique, qui ont les moyens de se défendre, qui ont cette mission et qui exercent à ce moment-là le monopole de la violence légitime, non pas à l'intérieur mais à l'extérieur de l'État, dans les relations internationales. Ce qui terrorise, proprement, c'est de s'attaquer aux passants. Le passant, c'est l'autre nom du non-combattant. Celui qui n'a pas d'engagement, n'a reçu aucune instruction, n'a pas d'armes pour se défendre, et est, comme le spectateur du Bataclan ou les clients des restaurants le 13 novembre, n'a rien à faire dans cette bataille-là, n'est pas sur un champ de bataille. C'est pour ça qu'au moment où le président Hollande ou le président Bush déclare « c'est une guerre », mais non, pas du tout, c'est presque une injure à la mémoire des victimes. Les victimes du Bataclan n'avaient aucun moyen de se défendre, n'étaient pas là pour en découdre, n'étaient pas là pour réduire l'État islamique, défendre les intérêts nationaux, défendre une foi ou un programme politique. Et c'est pour ça que c'est très important de rappeler que le statut de la victime est solidaire de la triangularité de la relation dans l'attentat terroriste. La victime, c'est le passant. Il n'a aucune fonction politique, aucune fonction politique dans cet affrontement. Et mais il devient de fait. Il devient l'instrument. C'est ça qui est odieux. Il est nié en tant que moyen. Exactement. Il est réduit à un moyen. Il est moyen. Il est un moyen pour terroriser l'intégralité de la communauté nationale. Prenons un autre exemple très lointain. Les attentats de 2008 à Mumbai. Donc presque 200 victimes. Les terroristes cachemiris utilisent ces 200 victimes qui n'ont rien à voir avec le débat, qui sont des parlementaires européens, qui sont des stars de la télévision, qui n'ont rien à voir avec la politique que mène l'Union indienne au Cachemire, pour terroriser Mumbai, le symbole de la mondialisation, l'Union indienne dans son intégralité, et les élites indiennes qui décident de l'indianisation, de l'hindouisation du Cachemire. Et là, on en revient à une catégorie, à travers la distinction combattant-non-combattant de Walzer, on en revient à une catégorie de morale fondamentale, on en vient à la distinction entre la fin et les moyens. La souffrance de la victime, sa mort, dans le terrorisme, est utilisée uniquement comme moyen, pas comme fin. Et comme moyen pour un projet politique d'une vague absolument redoutable parce que radicale. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de victimes, c'est qu'il y a aussi cette idée, donc on l'a dit, de vulnérabilité, de potentialité. Tout le monde est potentiellement victime, mais aussi d'innocence. C'est-à-dire que l'innocence est vraiment, une cible non personnifiée d'un acte terroriste. Oui, je pense que vous reprenez une catégorie de Walzer qui est importante, mais qui peut prêter à confusion. Il ne s'agit pas de l'innocence morale. Il ne s'agit pas non plus de l'innocence juridique ou judiciaire des victimes. Oui. Voilà, vous pouvez avoir quelqu'un d'absolument odieux qui est vraiment au sens d'innocence. C'est une innocence fonctionnelle, en fait. Ouais. Il ne prend pas part, cette victime ne prend pas part à l'affrontement politique dans lequel il est pris, il n'est que passif. Et cette innocence, c'est pour ça qu'à mon avis, Walser a vraiment tort d'utiliser le terme d'innocence. C'est mais bien c'est en combattant. C'est un terme très fort. C'est un terme beaucoup trop fort qu'il utilise. On comprend aussi pourquoi, pour décrire la façon dont les troupes américaines traitent les populations civiles au Vietnam dans les années 70 et en Irak durant les années 2000, pour créer un choc moral dans l'opinion publique américaine, parce qu'il faut bien le dire, Michael Walser n'a pas seulement le courage du concept, il a le courage de l'engagement politique. Ce qu'il écrit sur le Vietnam quand il publie sa première version de Guerre jusqu'à l'âge. Parce que Michael Walser, il faut le dire, nous en France, c'est un philosophe dont on peut connaître le nom, mais enfin qui n'est pas très populaire en France, mais aux États-Unis, il a une portée, il est... C'est une conscience morale. Voilà, c'est une personnalité si vous voulez, c'est comme si Robert Badinter était en même temps Jean-Paul Sartre. Vous voyez, c'est à la fois un excellent philosophe et une conscience morale et politique concernant la politique extérieure des États-Unis. Parce que aux États-Unis, plus qu'en France, mais en France également et en Europe également, l'accusation récurrente est que le premier terroriste est l'État. Le premier terrorisme, c'est l'impérialisme américain. Et on le voit bien dans les textes de Noam Chomsky, cette conscience de gauche américaine, tous les autres terrorisme islamiste, anarchiste, communiste, les guérillas anticoloniales, ne sont que des répliques au terrorisme fondamental qui est l'impérialisme américain. Et donc, dans l'opinion... Qui est un terrorisme d'État. Comme nous, voilà. En France, on pourrait dire, tout vient du modèle robespierriste. Exactement, de la terreur. Exactement, où nous payons au Moyen-Orient, au Maghreb ou en Afrique, notre politique coloniale. Et donc, Michael Walser a un courage inouï, qui est à la fois de disqualifier le terrorisme, ce qui évidemment lui aliène une partie de la gauche américaine. Non, aucun terrorisme n'est justifiable, mais en même temps, il critique également le terrorisme d'État. Il y a une partie de la gauche américaine qui justifie le terrorisme ? Ah bah oui, Noam Chomsky, évidemment. Ses essais après essais, les États-Unis n'ont que ce qu'ils méritent le 11 septembre. Et on le verra dans la suite de la semaine. C'est pas tant une manière de justifier le terrorisme que de faire le procès des États-Unis. Oui, mais ça justifie. Enfin, chez Chomsky, oui. Ça justifie. Et énormément également de plumes françaises au moment des luttes anticoloniales justifient les attentats. Et c'est là où Walser a le courage d'activer comme catégorie fondamentale la distinction entre les statuts des victimes. Tant que j'assassine un homme politique, j'assassine un officier, j'assassine un préfet, je suis dans le cadre de la violence politique. Je cible une personnalité morale et politique. Mon but n'est pas la terreur, mon but est la victoire. Et c'est toute la différence entre le champ de bataille et l'attentat terroriste. Donc, il y a un courage chez Michael Walser de maintenir cette division envers et contre tout qui lui permet d'avoir ce statut moral où il est, à mon avis, difficilement critiquable. Est-ce que vous pensez qu'il est entendu, que cette position est entendue parce que dire que le terrorisme se définit d'abord par ses victimes, c'est quelque chose qu'on entend peu, mais qui finalement, en fait, est peut-être une des premières choses qu'on doit se dire sans se le dire, c'est-à-dire de manière intuitive. C'est vrai qu'en fait, on le voit bien, un acte terroriste va cibler des gens qui ne sont pas des cibles. Mais est-ce que cette position semble assez audible, celle de Michael Walser, de dire en fait la différence entre un acte terroriste et ce qu'il n'est pas, c'est le statut de la victime, mais c'est aussi de dire, attention, il y a aussi des formes de terrorisme qui peuvent émaner de pouvoir ou de personnes. Il faut savoir définir le terrorisme en passant par la victime et sans justifier tous les actes terroristes. Oui, très audible dans la parole philosophique. C'est le propre de la parole philosophique qui est, comme nous le faisons aujourd'hui, prendre le temps d'examiner les impasses, les apories, et également les gains conceptuels d'une approche par les auteurs, par les tactiques, par le contexte, et donc par les victimes. En revanche, et c'est là où on rejoint l'impureté, on retrouve l'impureté du concept de terrorisme, il est tellement tentant pour n'importe quel responsable politique de stigmatiser, d'utiliser le mot terrorisme, sans évidemment avoir cette rigueur-là, pour soit galvaniser une communauté nationale, et la réunir après le choc de l'attentat, objectif qui me paraît tout à fait louable, soit pour subvertir la façon dont une communauté nationale se perçoit, et notamment on le voit aujourd'hui, percevoir la communauté nationale comme abritant une cinquième colonne, les ennemis de l'intérieur, une communauté étrangère, mais pas seulement étrangère par la nationalité, mais étrangère également aux valeurs fondamentales qui font le débat public. Donc, pour le dire très clairement, Cyril Brett, l'intérêt de définir aussi le terrorisme, ce n'est pas seulement de le combattre, mais aussi de dire ce qui n'en est pas, et d'éviter de tomber dans des dérives qui consistent à définir n'importe quel acte, assassinat ou tuerie sous le nom de terrorisme, pour pouvoir justifier des moyens et des mises en œuvre politiques extrêmement radicales à l'égard d'une communauté qui serait, en fait on parle très clairement des musulmans, qu'on a tendance très vite à diaboliser sous le terme d'islamiste. Tout à fait, et je pense que c'est la prochaine étape de la discussion sur le terrorisme. Il faut voir que ce qu'on définit quand on définit le terrorisme, c'est bien sûr ce que n'est pas le terrorisme et ce qu'est le terrorisme, mais on définit aussi les limites et les conditions de l'antiterrorisme. Ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, ce qui est justifié et ce qui ne l'est pas. Si le terrorisme est un acte de guerre, dans ce cas-là, c'est la grammaire de la guerre qui doit s'appliquer. Si le terrorisme est ce que nous disons, alors dans ce cas-là, c'est une action civique et non pas une action militaire qui est la première réponse au terrorisme. Et c'est de cette confusion-là que naissent les remises en cause des principes démocratiques. Si le but est de restaurer l'unité nationale, on ne s'y prend pas du tout de la même façon que si le but est d'éradiquer le vice ou d'éradiquer une civilisation qui nous serait supposément radicalement hostile. Il nous reste peu de temps, Cyril Brett, à cet entretien, mais j'aimerais qu'on entende quand même ce texte d'Emmanuel Kant. Aucun État en guerre avec un autre ne doit se permettre des hostilités de nature à rendre impossible la confiance réciproque lors de la paix future. Par exemple, l'emploi d'assassins, d'empoisonneurs, la violation d'une capitulation, la machination de trahison dans l'État avec lequel on est en guerre, etc. Ce sont là des stratagèmes infâmes. Il faut en effet que pendant la guerre même, il reste quelque confiance en la disposition d'esprit de l'ennemi, sans quoi l'on ne pourrait conclure aucune paix, et les hostilités dégénéreraient en une guerre d'extermination. La guerre n'étant que le triste moyen imposé par le besoin dans l'état de nature, là où il n'existe aucune cour de justice pour pouvoir juger avec force de droit, afin de soutenir son droit par la violence, aucune des deux parties ne peut en ce cas être qualifiée d'ennemi injuste, mais c'est l'issue qui décide de quel côté se trouve le droit. D'où il suit qu'une guerre d'extermination, où la destruction peut atteindre les deux parties à la fois, et en même temps la destruction de tout droit, ne laisserait s'établir la paix perpétuelle que dans le grand cimetière de l'espèce humaine. Par conséquent, une guerre de ce genre doit être absolument illicite, ainsi que l'usage des moyens qui y entraînent. En 1795, un an après le discours de Robespierre où il théorise la terreur qu'on a entendu tout à l'heure, est publié le projet de paix perpétuelle d'Emmanuel Kant. Alors ce texte qu'on vient d'entendre, hein, lu par François Raison, est un texte assez fou, où en fait est décrit parfaitement le terrorisme sans qu'une seule fois le mot ne soit écrit. Mais il revient exactement à ce que vous disiez, hein, Cyril Brett, c'est-à-dire cette idée de perte de la confiance, de grand cimetière humain que produit ou détruit en tout cas le terrorisme. Oui, là encore, hein, quand ceux qui accusent les philosophes de se consacrer aux mots devraient regarder ce texte-là, c'est la chose sans le mot et c'est un résumé en une page de tout ce que nous venons de dire. Quel est le problème de Kant? Pas du tout notre problème du 11 septembre, ça va de soi. Pourquoi il n'emploie pas le mot terrorisme? Alors il l'emploie tout simplement parce qu'il n'est pas encore codifié dans le 1798 et parce qu'en fait, terrorisme. Alors même qu'il y a eu la terreur. Oui, mais c'est parce qu'en fait, les mouvements anti-révolutionnaires ne sont pas encore, n'ont pas encore leur doctrine, n'ont pas encore les textes de Burke, n'ont pas encore ces dénonciations de la République comme terroriste. La question de Kant, pas du tout notre question à nous, les musulmans, Al-Qaïda, pas du tout, du tout. La question, c'est comment on fait pour réguler les relations internationales. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas d'ONU, il n'y a pas de tribunal international qui sépare la frontière, attribue une population. Comment est-ce qu'on fait? On se livre la guerre. C'est l'expédient. En revanche, toute la question de la guerre, c'est pas du tout pourquoi on la déclenche ou comment on la justifie, mais comment on la finit. Et il y a certaines techniques qui sont acceptables, celles notamment qui distinguent les combattants et les non-combattants, qui livrent des batailles entre soldats d'armées régulières. Il en est certaines, des tactiques, qui rendent impossible la fin des hostilités. Je ne parle même pas de la paix perpétuelle, mais de la fin des hostilités. Eh bien, les tactiques terroristes utilisées par les forces armées, ou utilisées par les guérilleros, ou utilisées par les partisans, sont de cette nature-là. Elles sapent la confiance. Je ne peux plus arriver à une armistice, un cessez-le-feu, sans parler même d'un traité de paix, si mes non-combattants ont été ciblés, si une cinquième colonne s'est invitée dans les relations internationales. Et c'est pour ça que c'est extrêmement bien vu de la part de Kant. Le point nodal de ces tactiques n'est pas quantitatif, il est qualitatif, c'est la confiance. C'est la confiance possible, le minimum de confiance possible pour arriver à un traité de paix. Parce que jusque-là, on a parlé du terrorisme aussi comme surprise, comme nihilisme, mais effectivement, on n'a pas donné ce terme. On a aussi parlé des victimes, mais on n'a pas donné ce terme de confiance. Et effectivement, c'est là où en fait, ce qui est en jeu, c'est la confiance. Et c'est ça, c'est en ça que c'est un phénomène tragiquement familier. C'est comme il n'y a pas de début ni de fin, c'est que le terrorisme devient un acte fou et en même temps familier qui est complètement qui sape la confiance. Voilà, on peut pas le dire autrement en fait. Ah oui, tout à fait. Dans le concept que j'ai forgé, la vulnérabilité généralisée, c'est en fait la défiance quotidienne qui se joue. La défiance envers les lieux dans lesquels nous vivons, le marché, la salle de spectacle, l'école, Samuel Paty, évidemment les aéroports, les gares, la défiance dans ceux que nous croisons, qui peuvent toutes être cette fameuse cinquième colonne, la défiance dans nos propres autorités, qui chercheraient à instrumentaliser, voire qui organiseraient elles-mêmes des attentats pour nous opprimer. Et on arrive à une situation bien connue en philosophie politique, qui est l'atomisation de la société. Je suis seul face à moi-même, dans la défiance envers tout et envers tous. Et qui est le terreau du totalitarisme, comme l'a très bien décrit Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme. Juste pour finir, Cyril Brett, il vous reste 45 secondes. Quelle serait votre définition du terrorisme ? Donc une tactique instillant une terreur généralisée, un sentiment de vulnérabilité généralisée pour une domination psychologique et non pas un programme politique. Merci beaucoup Cyril Bray, merci d'avoir ouvert cette semaine sur le terrorisme. Alors de vous, on peut lire, je le rappelle, Qu'est-ce que le terrorisme ? C'est paru aux éditions Vrin en 2018. C'est très utile, c'est un petit livre, je veux dire, mais avec plein d'éclairages très importants et puis surtout la citation de Kant à la fin, un commentaire de texte de Kant et aussi de Michael Walzer. Et puis aussi ce livre 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au 21e siècle, c'est paru aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. لازم تكونوا واجدين لازم نكونوا واجدين بابا طاي طاجي نمسى ركع وكلش حطوا الودان برونشي ولزقوا معنا خير نافونسي الوراق بدات تسركل تحت المنطو في المارشي رفت حبة ميساج من عند اللي نوستالجي قالوا لك خصنا النظام باش نربي والنظام هاد لابا طاي طاجي بين الحضور الكرام ما يحسوش على الانتقام الشعب احنا ريبونديو بإرادة تعلي لابوانت تخطيط بن مهيدي المناج منت الحديدي حب تعود تعمر غير بدا مالا فيدي نخدمو ندو حقنا دي دين خلاص الكريدي خطيونا من اللي بلوكاج كونو شوية مفيدين ديناميك رولا بروباغوند عمر الصغير يا ويدي جايين لي تكنيك دو بوان غلفينها بالتقليدي ومباعين داخل قفة وسط الشارع الرئيسي كل شي خارج مشوكي مي واحد ما مبليسي لا شعبي لا بوليسي يا القصبة ربي ترجال قصيدي عليهم وتقيسي المعيشة فيك معركة مع لا الدايرة ولا بيسي إدارة لابسة بارا بزورد واشنطن دي سي بزورد واشنطن دي سي بزورد واشنطن دي سي إدارة لابسة بارا بزورد واشنطن دي سي بزورد واشنطن دي سي تحب تدير بدا حدار لاباطاي دارجي غير البلوكاج يا ستار لاباطاي دارجي بروجي صغير ولا من الكبار لاباطاي دارجي حاجة ما تجيب الانتظار لاباطاي دارجي حارب حتى الانتصار لاباطاي دارجي شامي تطفى فينا النار لاباطاي دارجي تسمع فينا في الأخبار لاباطاي دارجي من تروطوار لي زوسكار لاباطاي دارجي إيزي أبروشي مصدام أبو جوي هاي مصدام أتقدمو هادي ما تربحش وهادي ما تربحش هادي ما تربحش هادي تربح لازم